Règle islamique à propos de l'élection, du vote, dans un système kafir. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il redeviendra étrange. Annoncez d'heureuses nouvelles aux étrangers qui rétabliront la sunna après qu'elle se soit corrompue. » Tabarani. La réapparition de l'umma islamique et ses désirs de revivre d'une façon islamique dans toutes ses affaires est devenue évidente pour que tous les gens soient témoins. Ceci s'est manifesté dans la renaissance de l'islam comme din, religion, politique, qui cherche à affirmer son autorité au-dessus des affaires de l'homme. En effet, le fait que l'islam est politique et a besoin d'un calife afin d'appliquer les règles et les lois islamiques qui ont été détaillées dans le Coran et la Sunna sont des conclusions évidentes. La renaissance de l'islam, commencée en tant qu'étrange, dans le nouvel ordre mondial est maintenant largement adoptée par l'umma islamique en tant que cause. Toutefois, la confusion existe toujours chez certains éléments de l'umma islamique qui, tandis que sincères dans leur effort et nobles dans leur but, n'ont pas compris l'erreur du chemin qu'ils suivent. Ils sont ceux qui ne peuvent pas distinguer entre les élections comme un processus de détermination du consentement des masses dans son choix d'un gouverneur légitime et le système démocratique. Démocratie. La règle de l'homme contre la règle d'Allah Azza wa Jal. La démocratie en principe signifie que l'homme est libre de choisir des règles et des lois, qu'il les contrôle totalement, et il est le maître souverain de lui-même et de son propre destin. Essentiellement, la base principale de la démocratie est le rejet du droit d'Allah Azza wa Jal de légiférer. Par conséquent, l'homme peut décider de décréter un texte de loi qui le satisfait et satisfait ses caprices. Ainsi, par exemple, dans certains pays musulmans, y compris l'Indonésie, les boîtes de nuit sont fermées pendant le ramadan et réouvre après le ramadan. Dans la législation du Bangladesh, légaliser la prostitution est toujours à l'étude. Et au Pakistan, cela a pris des années pour décider si le riba, l'usure, est interdite. En Occident, les politiciens sont plus que tourmentés pour décider s'il faut permettre les rapports homosexuels à l'âge de 16 ans ou de 18 ans. Et si oui ou non, il faut être élu pour accepter ou rejeter la législation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans les sociétés démocratiques, on insiste le fait que l'homme a le droit de décider des législations, indépendamment des commandements d'Allah Azza wa Jal, qui sont simplement ignorés. Ainsi, l'homme est l'unique arbitre pour accepter les valeurs libérales, mettre fin à la vie des fœtus, exterminer des populations dans des guerres humanitaires telles que l'Irak, ou soumettre durement un peuple à la faim comme en Afghanistan. Le principe fondamental ici est que l'homme possède le droit de légiférer, de faire des règles et des lois. Des individus sont nommés dans les parlements et les maisons législatives pour débattre, contrôler et décréter des lois. La base de la législation est la décision majoritaire de ces personnes choisies qui voteront selon leur propre expérience personnelle, selon les lignes de conduite de leur parti, de leur intérêt financier, le plus souvent, et leurs préférences. La démocratie est donc contradictoire aux bases mêmes de l'islam et de sa croyance de base qu'Allah Azza wa Jal est le maître souverain et le seul qui puisse déterminer la législation, les règles et les lois comme il Azza wa Jal l'entend. Et le reste de la création, comprenant l'humanité, n'a aucun droit excepté d'écouter et d'obéir aux ordres d'Allah. Allah Azza wa Jal dit « Le pouvoir n'appartient qu'à Allah » Sourate Yusuf, verset 40. Ceci établit clairement qu'il est le législateur unique. L'islam, comme un din, religion pure, ne devrait pas être déshonoré en recherchant la décision majoritaire, que ces lois soient valides ou pas. Ces lois viennent du législateur Allah Azza wa Jal et exigent l'exécution immédiate. C'est un principe de la aqida islamique, dogme fondamental, tawhid, qu'Allah Azza wa Jal est la source de tous les ahkam, les lois. En outre, Allah Azza wa Jal dit il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Sourate Al-Ahzab, verset 36. Ainsi, il est clair que les humains doivent se soumettre à cette loi et ne peuvent la contester. Allah Azza wa Jal en a fait une question d'hymen. Lorsqu'il dit non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute. Et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Sourate An-Nisa, verset 65. De même, Allah subhanahu wa ta'ala, le très sage, a statué, ô les croyants, obéissez à Allah, et obéissez aux messagers, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et au messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. Sourate An-Nisa, verset 59. Ce verset ordonne clairement aux musulmans de se référer seulement à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les affaires. Ces ayats, ces versets sont venus sous une forme générale et incluent tous les sujets. Par conséquent, chaque affaire, quelle qu'elle soit, petite ou grande, a une loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit aussi dans la sourate Al-Ma'idah, verset 44, « Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. » Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit dans son tafsir à propos de ce verset que quiconque nie un jugement définitif d'Allah contenu dans la sharia est un kafir mécréant. Ibn Jarir, al-Tabari, rahmahullah, a dit que ceci fait l'objet d'un accord général par l'ijma', la totalité des savants. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, poursuit en disant que quiconque dit que la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne doit pas être établie, est alors un kafir. Celui qui dit que la loi de l'homme est meilleure que la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est donc un mécréant, un kafir. Celui qui dit que les lois de l'homme sont aussi bonnes et justes que les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est un kafir. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a également dit que celui qui ne nie pas les hukm d'Allah, les ordres, mais croit qu'il est permis de légiférer par autre que ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a révélé, est un kafir. Parce qu'il renie que le droit de légiférer est seulement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, a dit, ceux qui ne croient pas en Allah, en ses anges, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres. Et ceux qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, les voilà les vrais mécréants. Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Sourate An-Nisa, verset 15. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ne croient pas en Allah, en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres. Et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Et voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Sourate An-Nisa, verset 150-151. Al-Hafiz ibn Kathir, rahmahullah, dans son tafsir à propos de ces versets, fait référence aux Tatars de son époque et a indiqué qu'ils ont assemblé un livre de lois extrait de différentes lois, des juifs, des chrétiens et du dîn de l'islam. Il contient également beaucoup de lois prises seulement de leur propre avis et selon leur propre désir et qui plus tard est devenu un système de lois suivi par des gens et à qui la priorité est donnée au-dessus du livre d'Allah et de la sunna de son messager. Ainsi, celui qui gouverne avec ses lois des Tatars est kafir. Tafsir al-Qur'an al-Azim. Ceci devrait indiquer clairement que voter ou participer aux élections dans un système démocratique ou pour un quelconque de ces partis de mécréance, de kufr, est quelque chose qui est au moins un interdit majeur, haram, indépendamment de l'avantage, maslaha, ou des gains que l'on peut en tirer en les faisant. C'est quelque chose dont les principes sont en directe opposition avec le véritable iman, foi, des musulmans. Il a été porté à notre attention qu'il y en a beaucoup qui ont aujourd'hui perdu la passion pour l'islam et ses victoires. Au lieu de cela, comme le poulet sans tête, ils s'en vont frapper aux portes des maisons des kofars pour chercher quelques petits intérêts et pour s'assurer quelques avantages. Nous avons également observé chez de telles personnes, pour justifier leur position, l'utilisation de preuves faibles, mauvaises et non prises de mujtahidin fiables par un ijtihad correct. Ils arguent du fait que les objectifs généraux de la sharia peuvent être réalisés en soumettant leur volonté aux kuffars et que ces derniers les rejoignent dans l'islam. Par conséquent, ils disent que participer au gouvernement des kuffars est acceptable. Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Sourate Al-Ma'ida, verset 50. L'imam Shatibi, rahmahullah, a dit dans son Al-Muwaffaqa, fi usul al-ahkam, que l'objectif derrière la sharia est de libérer l'individu de ses désirs afin d'être un vrai serviteur d'Allah. Et c'est la véritable maslaha, avantage. Violer la sharia sous le prétexte de suivre les objectifs de base ou les valeurs, le maqadis de la sharia, est comme celui qui s'inquiète de l'esprit dans le corps, et puisque le corps sans esprit est inutile, donc l'esprit sans corps est inutile aussi. Page 25. En outre, ils disent que si l'intention est pure, l'action n'a pas d'importance. Il cite les nobles mots du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Les actions ne valent que par les intentions. » Sahih al-Bukhari. Avec ceci, il justifie la participation au gouvernement des Kuffars, partageant la puissance avec eux, votant pour eux et s'alliant avec les partis politiques de mécréance. L'imam Razali, rahmatullah, a dit « Les péchés ne changent pas leur nature par l'intention ». Ainsi, les ignorants comprennent cela de la généralité « Les actions ne valent que par les intentions ». Ils pensent qu'un péché peut être transformé en obéissance par une bonne intention, telle la personne qui calomnie un homme pour faire plaisir à un autre, de nourrir une personne dans le besoin avec l'argent d'un autre, ou de construire une école, une mosquée ou un camp militaire avec de l'argent illicite, son intention étant de faire le bien. C'est toute l'ignorance et l'intention n'a aucun effet en éliminant une injustice par une autre injustice, une agression et un péché. En fait, son intention de faire le bien par un mal signifie opposition aux exigences de la sharia est un autre mal. En fait, les choses qui causent ceci au cœur sont le plaisir caché et le désir intérieur. Par conséquent, son énonciation que les actions ne valent que par les intentions est confirmée à l'obéissance de choses permises, mais pas le péché. C'est parce que l'obéissance peut être transformée en péché par la fausse intention. De même, le moubah, permis, peut être transformé en péché par la fausse intention. En revanche, un péché ne peut jamais être transformé en obéissance par la bonne intention.